Les mass-médias syriens ont traité spécialement le cinquième anniversaire de décès du dirigeant Kim Jong-il. L'agence de presse Sana a présenté la photo du général et apprécié haut les exploits immortels du général qui a donné toujours la primauté aux intérêts du peuple. Avec les photos des activités révolutionnaires des dirigeants coréens, la télévision centrale a présenté que sous sa direction de Sun Gun, la Corée a remporté sans cesse la victoire dans la confrontation contre les États-Unis, se vantant d'être unique puissance du monde. La radio centrale a émis une information spéciale sur la vie révolutionnaire et les exploits du grand temps coréen. Les journaux Al-Baas, Al-Saoura et Tishrin ont présenté les articles comme « Son Excellence Kim Jong-il a ouvert une nouvelle époque de l'édification d'une puissance socialiste » et « Le cinquième anniversaire de décès du dirigeant Kim Jong-il et sa vie pour l'avenir ».